Ah, yes! J'ai enfin réussi à capturer un Ronflex. Phew! Je pensais pas que ce serait autant addictif de jouer à Pokémon Go. Bon allez, fini pour aujourd'hui, parce que si je m'arrête à chaque Pokémon que je croise, je suis pas prêt d'entrer chez moi. À moins que... Ah bon, juste un dernier et puis je coupe. Alors, où est-ce que tu te caches? Tu dois être vers le sommet de la colline, je pense. C'est bien ça, je me rapproche. Je suppose qu'il doit être proche des bâtiments là-bas. Je me demande ce que c'est. Ah, il y a un panneau. Zone interdite à toute personne non autorisée, danger, effondrement. Bon, ils disent pas ce que c'était avant, mais ça a clairement l'air abandonné. Je pense pas que quiconque s'offusquera si je fais que passer. Allez. C'est quand même un peu glauque. Dans les vidéos d'Urbex, on dirait pas que c'est aussi flippant, même en plein jour. Bon, je fais vite. Il est où ce Pokémon? C'était quoi ça? Il y a quelqu'un? Merde! Je suis pas tout seul. J'espère que c'était qu'un petit animal, pas un gardien, sinon je suis fichu. Faut que je me tire de là sans me faire choper. Si seulement je pouvais voir ce que c'est. Merde! Saleté de vitre brisée. Faut que je me bouge. J'espère que ça ne m'a pas entendu. J'entends plus rien. C'était peut-être un animal à qui j'ai fait peur. Ou alors c'est un prédateur qui m'a pris en chasse. Au pire, un squatteur que j'ai énervé. Faut que je cours vers la sortie. Maintenant! Je suis vraiment navré. Je voulais pas vous faire de mal. Je vous en prie, me livrez pas à la police. Je suis désolé de t'avoir rentré dedans. Je t'ai pas fait mal? Non, c'est bon, j'ai rien eu. Et toi? À part la peur de ma vie, non, c'est bon. J'ai vraiment cru que j'étais tombé sur un gardien ou un squatter. Et moi donc, je m'imaginais déjà attrapé par un adulte et devoir expliquer à mes parents pourquoi ils devaient venir me chercher au poste de police. T'es là pour quoi, toi? De l'explo? C'est un peu nul à dire, mais je suis là pour attraper un Pokémon. Toi aussi? Quoi? Tu joues à Pokémon Go? Ouais. Oh, ça me soulage de pas avoir inventé une excuse bidon. Tu m'étonnes. Tu l'as capturé du coup? Ouais, non, tu m'en as empêché. Désolé. Si tu veux, on peut y aller ensemble. Pourquoi pas? Je pense que j'aurais un peu moins peur si on est à deux que toute seule. Dac. Bon, il est par là. Alors ça y est, tu peux le capturer? Presque. Et ça y est, il apparaît. Oh non, mais quelle blague! Quoi, qu'est-ce que c'est? Tout ça pour un Magikarp. Pas n'importe quel Magikarp! Comment ça? C'est celui de notre rencontre! C'est pas faux. Ça te dirait qu'on se revoit dans un endroit plus conventionnel? Pourquoi pas? Il y a un Pokéstop devant l'hôtel de ville. On peut se dire samedi 15h. Dac! Mais d'abord, on a un Pokémon à attraper. Pokéball, go! Donnez Pokémon!